chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Déchiffrer des lettres. Les premières écritures livrent leurs secrets. C'est en 1901 que l'archéologue français Jacques de Morgan fouille le site de Suse. C'est dans l'actuel Iran. Il y découvre le célèbre code d'Hammurabi, aujourd'hui exposé au département des Antiquités orientales, au musée du Louvre. Et à force de creuser, en toute logique, il découvre des vestiges plus anciens encore, certains avec une écriture jusqu'alors inconnue, l'élamite linéaire. Ne reste plus qu'à déchiffrer cette écriture, une histoire pleine d'aventures, loin d'être linéaire, et qui débute dans le royaume d'Élam. Déchiffrer l'élamite linéaire, c'est l'exploit de François de Sées, une découverte qui a fait couler beaucoup d'encre et des lames de joie. Au sud-ouest de l'Iran, une plaine stérile, basse et plate, le Khouzistan. 3000 ans avant notre ère, s'établit ici le royaume d'Élam. Le reste n'était que préhistoire, l'Élam était déjà une civilisation. Ce monument, perdu dans la steppe, en témoigne. C'est la tour sacrée de Tchougazambil, construite vers 1300 avant Jésus-Christ. Nous étions en 1962 pour cette présentation du royaume d'Élam. Bonjour François de Sées. Bonjour à vous Xavier. C'est quoi ce royaume d'Élam? Alors ce royaume d'Élam, il s'agit d'un état dans le sud-ouest de l'Iran qui est attesté du 3e millénaire jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Si l'on veut jouer aux comparaisons historiques, à ce moment-là, où en est-on? Alors, on peut commencer par ce qu'il y a de plus proche, la Mésopotamie. Alors, la Mésopotamie, à ce moment-là, nous avons toute une série d'états, d'empires, d'Akkad, de la troisième dynastie d'Ur. Donc, ils en sont à peu près au même niveau. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en Europe, nous sommes encore très loin de l'état d'avancée technologique que l'on peut connaître au Proche-Orient à ce moment-là. Oui, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, oui. En Grèce, dans ce qui devient ensuite la Gaule. Oui, bah, l'écriture n'arrive qu'en France, par exemple, qu'avec la colonisation grecque vers 600 avant Jésus-Christ, et là on va parler d'écriture et on est vers 3300 avant Jésus-Christ. Ouais, c'est vraiment pas du tout pareil. On peut juste faire un petit arrêt en Égypte. Bien sûr. Eh bien, en Égypte, à ce moment-là, de ce point de vue-là, Égypte, Iran, Mésopotamie, nous avons les trois berceaux de l'écriture à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la même ère technique, technologique de ce point de vue-là. Ouais. Trois berceaux de l'écriture. Votre expression, François de Sées, est très importante hein, parce que il y a toujours cette volonté de trouver la primauté. Qui a commencé dans cette idée-là? Alors, vous en êtes où? Alors, si donc on prend l'histoire dans le bon ordre chronologique du plus ancien au plus récent, généralement, on dit que la Mésopotamie est à l'origine de l'écriture à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et depuis une dizaine d'années, j'avance que oui, c'est le cas, mais il faut mettre à peu près sur le même plan l'Iran et l'Égypte. Alors, il est très probable que l'écriture soit vraiment apparue dans un seul endroit. Mais nous ne pouvons pas déterminer, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 5000 ans, et avec nos outils de datation, on ne pourra jamais déterminer si l'écriture a été créée en Mésopotamie en 3317, puis est arrivée en Iran en 3296 avant Jésus-Christ, et en Égypte 20 ans après. Oui. Donc de ce point de vue-là, mieux vaut dire que c'est apparu plus ou moins à la même époque dans ces trois régions-là. Il faut être assez modeste, et d'ailleurs c'est tout à votre honneur François de Sées, de ne pas avancer comme ça des vérités. D'ailleurs cette idée même qu'il existe plusieurs berceaux de l'écriture, c'est une idée qui est désormais ancienne, c'est pas la révolution que vous apportez vous. Non voilà, je l'avance depuis une dizaine d'années, notamment en me basant, voilà, c'est pas parce que je suis un fervent partisan de l'Iran et de la culture iranienne, je dis ça, c'est en me basant sur des faits scientifiques. On a des tablettes proto-élamites datées en Iran vers 3300, 3200 avant Jésus-Christ, donc exactement à la même époque lors de laquelle on dit que l'écriture est apparue en Mésopotamie. En Mésopotamie, c'est l'écriture cunéiforme. On les voit bien, ces tablettes. On a même des images mentales très faciles. Dès qu'il est question, en revanche, d'autres écritures, les lamites linéaires, ça ressemble un peu aux tablettes cunéiformes. Alors, les lamites linéaires, comment dire? Eh bien, on a l'impression que c'est des extraterrestres qui ont écrit ça. Ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à les lamites linéaires. Mais bon, allez, on va essayer de le décrire. Ce sont principalement des formes géométriques, des losanges, des rhombes. Et l'une des caractéristiques graphiques de cette écriture-là, je trouve très intéressante, c'est qu'il n'y a aucun référent graphique au monde réel. C'est-à-dire que l'iconicité de cette écriture est très très faible. Elle est abstraite. Et il n'y a pas de référent, genre des parties du corps, des animaux. C'est purement abstrait et géométrique. Nous ne sommes pas du tout dans l'univers des hiéroglyphes. Pas du tout. Quand vous dites, François de Sec, on dirait que ce sont des extraterrestres qui l'ont fait, vous mesurez la portée. Ils n'avaient pas l'électricité, rassurez-nous. Non. A priori, ils n'avaient pas l'électricité à cette époque-là, oui. Alors, à partir de quel moment cette écriture, les lamites linéaires, a-t-elle été identifiée? J'évoquais le début du XXe siècle par des fouilles d'archéologues français, c'est à ce moment-là? Tout à fait. On découvre l'écriture et les lamites linéaires, donc à Suse, on est dans le sud-ouest de l'Iran, au tout début du XXe siècle. Alors, on ne sait pas exactement quand les premiers textes ont été trouvés, mais ça doit être aux alentours de 1900-1901. En tout cas, la première publication d'un texte est 1903. Bon, donc voilà, on est au tout début du XXe siècle, à Suse, et avec des fouilles françaises. Avec cette ville et ce nom qui fait rêver, hein, Suse, parce que dès que l'on se promène dans le département des Antiquités Orientales au musée du Louvre et dans tous ces grands musées du monde, ce nom même de Suse fait rêver. Suse a été occupée depuis le 4e millénaire jusqu'au 13e siècle de l'ère chrétienne, et les restes des villes qui se sont succédées pendant plus de 5000 ans forment aujourd'hui des collines artificielles appelées tépés ou tels, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Suse, en effet, a une position privilégiée dans ces régions au passé prestigieux, non loin de la grande plaine mésopotamienne, à la frange du plateau iranien dont les richesses géologiques sont inépuisables, et qui fut le creuset de civilisations originales. Dans les vallées et les oasis, là où coule l'eau, la vie nomade des déserts se sédentarise, les villes se développent. L'importance de Suse ancienne, comme celle de Suse moderne, Chouche et Daniel, de l'Iran actuel, est due à l'eau qui coule abondamment du haut plateau. La naissance de la civilisation à Suse, présentée dans un documentaire en 1978, François de Sec. Donc on est dans quel univers ici? Nous sommes avec des grandes civilisations. Suse, c'est une ville importante. On peut comparer avec un phénomène qui se passe également juste à côté, en Mésopotamie. Oui, bien sûr. Hein. Suse, et à vrai dire, de ce point de vue-là, on est dans la plaine. On est dans le prolongement de la plaine mésopotamienne. Nous ne sommes pas sur le plateau iranien. Hein. À Suse, on est à 100 mètres d'altitude. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment à la jonction de deux mondes, la plaine mésopotamienne et le plateau iranien. Donc de ce point de vue-là, Suse est un site très intéressant. Et pour l'écriture, vous nous avez bien dit que dès le début du XXe siècle, on trouve déjà cette écriture, mais en masse ou c'est quelque chose d'extrêmement en marge? Alors, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, nous avons donc plusieurs milliers de tablettes proto-cuniformes en Mésopotamie et à l'heure actuelle, nous avons 1600 tablettes proto-élamites connues et dont la plupart sont au Louvre. Ah oui, d'accord. Donc nous avons un corpus, vous disposez d'un corpus. Ensuite, il faut savoir en faire quelque chose et de ce corpus réussir déjà à différencier les différents types d'écriture. Pour l'élamite, il y a ce proto-élamite, cette élamite linéaire. C'est quoi la différence? Alors voilà, là il y a une distinction importante à faire. Nous avons donc l'écriture proto-élamite en Iran attestée entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ et l'élamite linéaire attestée datée entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ. Et généralement, depuis plusieurs décennies, on pense que ce sont deux systèmes d'écriture distincts. Et en fait, moi, je propose de revenir à une idée ancienne qui est de considérer le proto-élamite comme la version ancienne de l'élamite linéaire ou l'élamite linéaire comme la version récente du proto-élamite. Et de ce point de vue-là, on aurait une continuité de l'écriture en Iran entre 3300 et 1900 avant Jésus-Christ. Ouais, ce qui donne le vertige toujours, hein, de cette profondeur chronologique. Cette élamite linéaire n'était pas lus, au sens où personne n'arrivait à comprendre le sens de ces textes, à la différence de l'écriture cunéiforme qui est lue depuis quand ? Depuis le 19e siècle. Voilà, hein, tout à fait. L'écriture cunéiforme a commencé à être déchiffrée dans les premières décennies du 19e siècle. Là, bien sûr, on a encore progressé jusqu'au 20e siècle, mais il est bel et bien déchiffré. Et les lamides linéaires, quant à lui, jusqu'à peu, y résistaient. Alors vous avez évidemment, François Dessert, regardé les travaux de vos prédécesseurs et j'imagine que beaucoup se sont cassés la tête à essayer de déchiffrer cette écriture plutôt que d'essayer de savoir comment vous avez fait, mais ça on va en parler. Ouais. Pourquoi n'ont-ils pas réussi ? Alors fondamentalement, pourquoi, donc on a dit, les premiers textes ont été publiés en 1903, donc il y a, moi lorsque je reprends le dossier, il y a un siècle d'érudition derrière moi, et donc pourquoi des grands savants, parce qu'il y a eu des grands savants avant moi qui se sont penchés dessus, je pense fondamentalement la vraie raison, c'est qu'ils n'avaient pas accès à un nombre suffisant d'inscriptions, tout simplement. Mais c'est ça, hein, c'est il faut un corpus considérable avec toujours cette particularité, nous le voyons bien aujourd'hui quand nous regardons des textes qui ont même un siècle, deux siècles, trois siècles, la forme d'écriture change, il faut une certaine stabilité pour comparer ces documents. Le corpus dont vous disposez s'étale sur un temps très long. Alors, donc, pour les lamides linéaires, on est entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ et on a, à l'heure actuelle, 43 textes. Mais par exemple, pour mes prédécesseurs qui dans les années... par exemple, il y a un grand savant italien qui a travaillé dessus dans les années 60-70, s'appelle Piero Merigi, il n'avait à sa disposition qu'une vingtaine de textes. S'il avait eu accès aux nouveaux textes qui sont sortis et dont on va parler, je pense, eh bien, je suis persuadé qu'on aurait parlé du déchiffrement de l'élamite linéaire il y a 50 ans. Voilà, cette modestie. Pas de chance pour lui, et voilà. C'est l'avancée de la recherche. Au bon moment. Oui, enfin, là, au bon moment, oui. Et puis la capacité de le faire, c'est quoi ces nouveaux textes-là ? Qu'est-ce qui a permis de déclencher la manière de déchiffrer cette langue ? Alors, dans les années 2000, est apparue à Londres, une collection, dans une collection privée, la collection de Monsieur Mahboubian, donc c'est un Iranien exilé à Londres, eh bien une collection de vases en argent. Ces vases, on les appelle les vases Kunanki, on sait comment ils sont appelés dans les sources cunéiformes, parce que certains d'entre eux ont été retrouvés en Mésopotamie et des inscriptions cunéiformes. Et certains vases Kunanki en argent de la collection Mahboubian à Londres présentaient des inscriptions en élamite linéaire. Et la publication du corpus de ce monsieur Mahboubian, ça a été en 2004. Donc c'est tout récent. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces vases, ces inscriptions ? Eh bien, alors déjà, des nouveaux textes en élamite linéaire, ça n'arrive pas tous les jours. Et ils avaient le grand intérêt de présenter de très longs textes, parfaitement conservés, donc sans lacunes. Et nous parlons de nouveaux sujets, et la clé se trouvait dedans. Mais il faut quand même une passerelle avec une autre langue. C'est le système du dictionnaire, où il y a deux langues. On ne peut pas partir de zéro pour déchiffrer une langue. Alors, attention, Xavier, enfin, je vous reprends. Écriture, voilà, une voilà. Écriture. Une écriture, parce que, alors, juste un petit point là-dessus, il faut faire attention à bien distinguer langue et écriture. Ouais, pour le faire simple, nous parlons la langue française et nous écrivons avec l'écriture un alphabet latin modifié. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai déchiffré une écriture qui s'appelle l'élamite linéaire, qui note une langue qui s'appelle l'élamite. Alors, il y a beaucoup de confusion dans les termes élamite linéaire et élamite. Et la clé du déchiffrement, ça a été de comprendre que ces textes en écriture élamite linéaire notaient des textes en langue élamite qui eux-mêmes, certains de ces textes, on verra que c'est des prières royales, avaient été enregistrés un peu plus tard en écriture cunéiforme. Et donc le procédé, c'est toujours de passer, de faire du connu vers le non connu. Des textes en langue élamite notés en cunéiforme, et je me suis rendu compte qu'on trouvait ces mêmes textes, ces mêmes prières en langue élamite en écriture élamite linéaire. Alors là, en fait, je vous parle juste de ce qui a marché. Hein. Oui. On ne parlera pas de ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a eu plein de choses qui n'ont pas marché. Voilà, mais ça a été ça la clé. Vous avez raison d'insister, il faut le faire, entre la différence entre cette langue et l'écriture, sachant qu'une langue peut être écrite sous plusieurs écritures, ça bien arrive sûr, ça. Hein. Voilà. Alors là, on ne parle pas de phénomène de bilinguisme, puisque bilinguisme, c'est... plusieurs langues, deux langues. Là, on ne parle que d'une langue, mais avec plusieurs systèmes d'écriture. Donc, on parle de digraphie. Et par exemple, on a un exemple historique très bien connu. Par exemple, en Turquie, dans les années 1920, avec les réformes d'Atatürk notamment, on va basculer d'un alphabet arabe modifié pour noter la langue turque vers un alphabet latin modifié. Donc, toutes les étapes de romanisation des langues à travers le monde, eh bien, voilà, on passe d'une écriture à l'autre. Donc, vous avez une boîte à outils. Enfin, c'est ça, l'écriture sont des outils pour transcrire une langue, que ce soit la langue parlée par celui qui va écrire directement une langue qu'il a entendue, parce que il y a cette idée toujours de savoir si l'on représente quelque chose, alors qui est une construction complexe ou simplement phonétique, un son qui est mis en place. Pour cette élamite linéaire, on est sur quel type d'écriture ? Alors, pour l'élamite linéaire, nous sommes sur le type d'une écriture purement phonétique. Et alors, je voulais juste revenir sur les grands types d'écriture à tester. C'est très simple, il y a deux grands types d'écriture. Et alors, Xavier, je vous pose une question. Si je vous demandais d'écrire 1000... Alors 1000, attendez, eh ben, naturellement M-I-2-L-E. Alors, vous voyez, voilà, je le fais là, c'est M-I-2-L-E qui arrive. Ben, vous avez choisi de l'écrire de manière phonétique. Donc vous écrivez le son du mot 1000 dans la langue française. Mais vous aurez pu l'écrire également... En chiffres. En chiffres. Ah oui, bien sûr. Et donc une barre verticale et trois ronds. Et là, en fait, vous allez noter l'idée de 1000. Parce que moi, si je suis un Anglais, cette barre verticale et les trois ronds, je vais lire 1000. Un Iranien va lire Ezor. Donc là, vous notez pas le son du mot dans la langue française, vous notez l'idée de 1000. Et ben voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle, alors Champollion appelait ça écriture idéogrammatique. Maintenant, on parle plutôt d'écriture logogrammatique. Et donc, vous avez une manière très simple, écriture phonétique d'un côté et écriture logogrammatique de l'autre. Et généralement, c'est jamais aussi clair et net que ça. Généralement, on a affaire à des systèmes d'écriture mixtes qui mélangent les deux. Par exemple, à l'heure actuelle, dès qu'on utilise les chiffres arabes pour noter quelque chose, on bascule vers une écriture, une notation logogrammatique. Donc, généralement, les écritures sont mixtes. Voilà, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous faisons de l'écriture logogrammatique sans même le savoir. Alors, une écriture phonétique, c'est-à-dire qu'à un symbole correspond un son, c'est bien cela ? Voilà, tout à fait. Et dans le cas de l'élamite linéaire, ce qui est très intéressant parce que nous sommes au troisième millénaire, eh bien, présente la caractéristique hallucinante, je trouve, d'être une écriture purement phonétique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notation logogrammatique. Et donc, on a, pour être plus précis, c'est même un alpha-syllabaire, c'est-à-dire qu'on a des signes qui notent des voyelles, des signes qui notent des consonnes. Et donc, pour être plus précis, on a 5 voyelles, 12 consonnes. Et il faut imaginer ces 5 voyelles et ces 12 consonnes en abscisse et ordonnée. Et le croisement des 12 consonnes et des 5 voyelles nous fait 60 syllabes. Par exemple, pour être les cinq consonnes, c'est les cinq voyelles, c'est a, e, i, o, u. Les consonnes, c'est k, l, m, n. Bon, voilà, p. Je vais pas toutes les donner. Et par exemple, on a comme syllabe k, k, ki, ko, ku, pa, p, pi, po, pou. Par exemple, Xavier, je pourrais l'écrire que, ça, oui, et ça, oui, et. Ah, j'adore. Et ce qui veut dire qu'à partir de là, vous pouvez composer une transcription de ce qui est entendu. Il y a vraiment ce jeu. Ah. Et dès lors, vu que c'est phonétique, retrouver même le sens du symbole nécessite donc de trouver un équivalent, un son. Comment vous avez fait, François? Alors voilà, c'est souvent la question qu'on me pose. Comment je sais que tel signe correspond à tel son? Alors, encore une fois, donc il faut, voilà, je me suis appuyé sur plus de 150 ans, non, 200 ans d'érudition, puisque le dossier, il faut le reprendre. Au début, c'est au 19e siècle, au moment où on commence à déchiffrer l'écriture cunéiforme. Ça commence par les inscriptions royales achéménides, donc on est chez les Perses, on est à Bisotoun par exemple. Et ces Perses, merci à eux, ont eu le grand mérite de nous laisser des inscriptions royales trilingues. Donc vieux Perse, c'est la langue ancienne persane, acadienne et surtout élamite. Et donc cette langue élamite, on la connaissait déjà avant, parce qu'elle était notée en cunéiforme. Alors là, faut l'accepter, parce que si après on veut recreuser pour savoir comment ils ont procédé à l'époque-là, là, je pense que ça nécessiterait plus d'une heure. Mais donc, Xavier, faut accepter qu'on connaît la langue élamite. Voilà. Alors, on la connaissait imparfaitement, parce que c'est là où on s'est rendu compte que cette écriture cunéiforme, elle est défective. C'est-à-dire qu'elle a été développée pour noter certaines langues, et bien sûr, quand on va l'adapter pour noter d'autres langues, et bien on va se rendre compte qu'elle n'était pas parfaitement adaptée. Donc, grâce à l'écriture cunéiforme, il est possible de savoir la langue élamite. Donc, vous savez un mot qui, voilà comment ça se prononce, très bien. Mais à côté, vous avez un corpus de texte en élamite linéaire. Comment faire le lien entre les deux ? Parce que c'est ça qui est hyper complexe. Par le travail. Ouais, c'est ça, le travail. Par beaucoup de travail, oui. ce travail-là. Oui, j'ai dû faire des comparaisons. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis rendu compte que des prières. Alors, on a affaire à des prières royales du genre puissent les manies de bronze être réalisées pour mon clergé. Alors, je vous le fais pas en élamite, je vous le fais directement la traduction en français. Eh bien, cette phrase-là, je me suis rendu compte, cette prière-là prononcée par le roi avait été écrite en cunéiforme, mais également en élamite linéaire. Et tout ça pour revenir que dans le royaume des lames, au tout début du deuxième millénaire, on a affaire à un phénomène historique très intéressant, comme en Turquie dans les années 1920, parce qu'on va basculer progressivement de l'élamite linéaire, de l'écriture locale, traditionnelle, ils vont basculer vers l'écriture qui devait sûrement être un petit peu comme l'alphabet latin au XXe siècle, hein, l'écriture internationale. Et c'est grâce à ce phénomène-là de bascule d'un système graphique à l'autre, c'est ça qui a permis le déchiffrement de l'élamite linéaire. Dès qu'il est question de déchiffrement d'une langue longtemps restée mystérieuse, bien sûr, celui qui vient en tête, c'est Champollion et ses hiéroglyphes. Disant que l'on possède cette inscription en trois versions, sans que l'on soit capable d'attribuer leur vrai sens aux hiéroglyphes. Personne n'a trouvé la clé de l'écriture égyptienne. Personne. Je vais recopier les inscriptions. Tu sais, beaucoup de gens se sont attelés à la tâche. Ça semblait simple. Une fois traduit le texte grec, quelle difficulté aurait-on à faire correspondre les hiéroglyphes aux mots grecs? Eh ben non. Ce n'est pas si facile, puisque malgré la pierre de Rosette, nous en sommes toujours au même point. Tant mieux. La voie est libre. Libre pour Champollion. Champollion dans la tribune de l'histoire sur France Inter en 1989. François Dessay, Champollion, la pierre de Rosette, le même texte en trois écritures différentes. Très bien. Est-ce que c'est la même problématique à laquelle vous avez été confronté pour décrypter, déchiffrer cet élamite linéaire? Alors, dans le cas de, si on revient sur la pierre de Rosette, dans le cas de Champollion, j'ai envie de dire que le déchiffrement de Champollion, alors là ça va choquer beaucoup de personnes, a été plus facile. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui a grandement facilité le travail... Alors, souvent, on nous parle de la pierre de Rosette. Oui, alors c'était une bonne chose de l'avoir à la disposition. Mais surtout, qu'est-ce qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes? Eh bien, c'est le copte. Parce que la langue des anciens Égyptiens, donc l'Égyptien antique, était toujours parlée, donc la descendante, était toujours parlée à l'époque de Champollion et toujours parlée à notre époque, hein, la langue liturgique des chrétiens égyptiens, c'est le copte. Par exemple, pour dire « soleil » en copte, c'est « ra ». Oui, mais voilà. Tout de suite, ça évoque donc, le soleil de l'Antiquité. Et en fait, avant d'être le déchiffreur des hiéroglyphes, Champollion était un grammairien du copte. Il a fait du copte dans ses années d'études à Paris dans les années 1810. Il a écrit une grammaire du copte. Donc c'est par le copte qu'il a pu déchiffrer les hiéroglyphes parce que le copte était une version récente de la langue des Égyptiens antiques. Moi, dans mon cas, on parle de la langue élamite et on l'a pas encore dit, mais on va le dire maintenant. C'est un isolat linguistique. Ce qui fait que on ne peut la comparer à aucune autre langue connue. Donc de ce point de vue-là, le déchiffrement de Champollion était plus simple parce qu'il avait accès. Alors, l'hypothèse du copte avait été faite avant lui, mais c'est lui qui l'a menée à terme. Et donc de ce point de vue-là, la tâche de Champollion était plus aisée. Mais lui, dans son cas, le système graphique des hiéroglyphes est beaucoup plus compliqué que l'élamite linéaire. Donc de ce point de vue-là, ça lui a compliqué la tâche. Oui, parce que c'est rien enlevé au mérite de Champollion, évidemment. Donc vous êtes avec votre corpus, François Dessay, de textes en élamite linéaire. Vous avez en cunéiforme la transcription de cette langue élamite. Et la petite passerelle, la petite clé, ça a été quoi? Alors la petite clé, c'est donc cette collection de vases en argent à Londres, les Kunanki, qui ont été faits par, alors je vais les citer ici parce que quand même ça fait 4000 ans qu'on n'a plus cité leur nom, par des rois qui s'appellent Eparti, le deuxième du nom, Shilrara, Zemtakone, Palaishan. Alors bon, ils sont moins connus que Ramsès et Toutmosis, mais bon, j'espère les faire revivre. Et ces rois-là, nous, donc cette collection de vases en argent était sûrement fait pour être déposée dans le temple de la grande divinité de l'époque qui s'appelle Napi-Resha. Alors Napi-Resha en langue élamite, ça veut dire Napi-Dieu, Resha grand, donc le grand dieu. Temple qui était situé dans la ville d'Anzan, pas très loin de Persépolis, dans la plaine de Marvdash, dans le sud-est de l'Iran. Et ces vases en argent enregistrent les prières des rois, donc, que je viens de citer, pour la divinité. Et grosso modo, la plupart de ce corpus-là, on parle d'une, voilà, de 8-9 inscriptions sur les 43 textes non énumérés linéaires. C'est très simple. Les rois demandent à Napi-Resha de leur donner la dzemi. Alors dzemi, je l'ai traduit par la grâce, la fortune, et en retour, ils disent qu'ils vont donner la kéré, donc la dévotion. Donc on a un petit peu une relation donnant-donnant, hein, classique, je donne pour que tu donnes. Donc je te donne ma dévotion pour que toi, Napi-Resha, tu me donnes la grâce. Et il y a peut-être derrière aussi le fait que le roi donne de l'argent au temple, donne de l'argent au clergé, et donc il attend peut-être aussi un soutien politique du clergé, hein, derrière tout ça. Donc ces textes-là, ces prières-là, adressées par ces rois donc à toute fin du 3e, début du 2e millénaire, certains des textes en langue élamite étaient en écriture élamite linéaire, et d'autres étaient en écriture cunéiforme. Dès lors, on sait, à vous écouter, François Dessay, qu'il y a des noms qui reviennent sans arrêt. Il y a au moins le nom des souverains et de la divinité. Bien sûr. Ah oui, Napi-Resha, ça a été un élément très important. Et de ce point de vue-là, si l'on parle un petit peu de méthode de déchiffrement, très, très, très fréquemment, les noms propres, donc nom de lieu, nom de roi, nom de dieu, eh bien, c'est toujours les clés pour les déchiffrements. Par exemple, Champollion, il est entré dans le système graphique des anciens égyptiens par les transcriptions phonétiques des noms propres des rois grecs, hein, Ptolémée, Cléopâtre, hein, qui est la dynastie ptolémaïque en Égypte. Et c'est grâce à ces noms, c'est les premiers jalons du déchiffrement, ça a été par Ptolémée et Cléopâtre, donc des noms propres. Les Égyptiens de l'Antiquité, au moment d'écrire le nom d'un souverain, l'entouraient. C'est le cartouche. Alors c'est pratique parce qu'on l'identifie très vite. Oui. On se dit, tiens, là, ce qui est entouré, c'est le nom d'un souverain. C'est le cas avec les lamites linéaires? Non, malheureusement, ils n'ont pas pensé à nous de ce point de vue-là. Donc il y a, en termes de si on parle un petit peu de ponctuation, les lamites linéaires donc s'écrit généralement de droite à gauche. On a également des textes de gauche à droite. Voilà. Ils utilisent des barres de séparation. Et manifestement, ils les utilisent un petit peu quand bon leur ressemble, donc il n'y a pas vraiment de régularité de ce point de vue-là. Donc nous, on a affaire à une ligne continue de signes. Et donc, voilà, juste identifier que tel signe correspond à un nom propre, eh bien déjà, ça, c'était une gageur, ça. Et donc, le nom du souverain vous a aidé à identifier les sons, parce que c'est toujours cette idée-là, hein, dans une écriture phonétique, c'est trouver le son qui correspond à un symbole. Voilà. Ben, la clé, c'était quelqu'un qui s'appelle Shilrara. Eh bien, Shilrara présente la particularité très intéressante d'avoir la même syllabe qui se répète deux fois à la fin. Et il n'y avait qu'une séquence de signes dans tout ce corpus de vases en argent où il y a le même signe qui est répété immédiatement après. Voilà. Donc là, ça a été, alors, je vais pas le dire, ça a été rapide de faire l'équivalence, mais ça a été la porte d'entrée, la clé. Ça a été par Ptolémée à moi, c'est Shilrara. François Dessay, je me permets cette question, mais au moment où il y a cet éclair de compréhension, vous avez encore aujourd'hui le souvenir de l'émotion? Oui, bien sûr. Oui, c'était au printemps 2017 à Téhéran. J'étais à Téhéran à ce moment-là, dans mon appart à Téhéran. Alors, juste pour vous dire, moi, je travaille dessus depuis 2006. Et de 2006 à 2015, à 2017, pendant 11 ans, j'ai rien trouvé. Oui, quand même, ça veut dire beaucoup de boulot. j'ai rien trouvé. J'ai lu tout ce que mes prédécesseurs avaient fait, donc c'était pas inutile, mais à vrai dire, j'ai rien trouvé. L'un des éléments du déclic, a été l'accès à cette collection de vases en argent à Londres, parce que je ne les connaissais que par ce catalogue de la collection Maboubian, où ils n'avaient eu la mauvaise idée de ne montrer qu'une photo de ces vases en argent-là, et il faut s'imaginer des vases plus ou moins tronconiques avec un texte qui tourne autour du vase. Et donc avec une seule photo, j'avais accès qu'à la moitié du texte. Et ça m'a gêné pendant 10 ans. Voilà. Donc c'est tout bête. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu accès au texte entier. Et j'ai pu enfin aller à Londres en octobre 2015. J'ai pu les avoir en main et faire le relevé complet de l'inscription. Le relevé complet de l'inscription étant fait, vous travaillez dessus. Donc le relevé de l'inscription vous permet de comparer avec l'ensemble du corpus. Comment vous avez travaillé, François Dessay? Vous êtes archéologue, philologue, vous êtes chercheur attaché à l'Université de Téhéran et à l'équipe du CNRS Archéo-Orient de Lyon. Vous avez, j'imagine, dans votre bureau, un trésor qui est le classeur avec l'ensemble des transcriptions. Alors, bon, c'est mon ordinateur, hein, c'est mon ordinateur, et j'avais fait le relevé de ces 8 textes, et je me suis rendu compte très rapidement qu'on parlait de la même chose, parce qu'il y avait des séquences de signes qui se répétaient très fréquemment. Et donc, c'est comme ça que, par ces 8 textes-là, en ayant fait le dessin des textes-là, j'ai joué avec ces séquences-là, j'ai pu repérer des répétitions, des signes qui, des séquences qui revenaient régulièrement, jusqu'à me poser des questions sur cette séquence de signes où il y avait le même signe qui était répété 2 fois. Le nom de ce souverain. Shilrara, voilà. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire déchiffrée des lettres, les premières écritures nous livrent leurs secrets. L'archéologie et la recherche des faits. France Culture. Et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri est au fond du couloir. Le cours de l'histoire. Alors oubliez vos rêves de cités perdues, d'explorations exotiques et de fouilles de par le monde. Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. Xavier Mauduit. 70% de toute l'archéologie se fait en bibliothèque, en études, en lecture. Voilà, avant d'aller détruire 2-3 petits trucs, Indiana Jones disait quand même des choses intelligentes. Ah oui, je partage l'avis de mon collègue, oui, je suis d'accord avec lui. Non, mais c'est ça, ça se fait énormément en bibliothèque. François Dessay, dans la construction d'une recherche telle que celle-là, j'imagine qu'il y a sans cesse des passerelles avec des équipes de travail. Il y a des échanges, ou alors est-ce que c'est un travail extrêmement solitaire, à côté de tout ce que vous pouvez faire, bien se dire j'ai ça à faire, j'ai dans mon ordinateur des textes à essayer de lire. Alors, j'avoue que ça a été un travail solitaire. Alors, beaucoup me disaient de laisser tomber, hein, parce que je perdais un petit peu ma vie à m'esquinter les yeux. Bon, 11 ans, hein, 11 ans, c'est long. Hein. Donc, beaucoup m'avaient dit, mais laisse tomber, François, où est-ce que tu vas avec ça? Et beaucoup de gens avaient travaillé là-dessus avant moi et n'étaient arrivés nulle part. Donc, c'est vrai, maintenant, quand je réfléchis à cette époque-là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Alors, je n'ai pas fait que ça. Hein, j'enseignais à Téhéran et je faisais des fouilles à droite et à gauche dans le pays. Et donc, ça a été un travail essentiel, solitaire, parce que tout le monde avait laissé tomber hein, le dossier de l'élamide linéaire, et un travail solitaire jusqu'en 2018-2019. Donc 2017, il y a le déclic avec Shilrara. Je publie le début du déchiffrement, en fait, hein, en 2018, avec un article paru dans une revue britannique. Et à ce moment-là, je vais avoir 2 personnes intéressées par mes travaux qui vont m'écrire, prendre contact avec moi. Je me rends compte que ce sont des personnes assez sérieuses. Je n'avais pas tout publié dans cet article de 2018, hein, j'en avais gardé sous le coude. Et ils étaient parvenus plus ou moins aux mêmes conclusions que moi, donc je leur ai dit de rejoindre le wagon. Voilà, je vais les citer, ils s'appellent Cambis Tabibzadeh et Mathieu Cavran. Et donc, après cela, je n'étais plus tout seul. Et l'équipe a été, a abouti à l'arrivée de 2 autres grands collègues et philologues italiens, Gian Pietro Basello et Gianni Marchesi, qui nous ont rejoints en 2020 et 2021. Donc, à partir de 2019, ça n'a plus été un travail solitaire. Mais jusqu'à ce moment-là, oui, j'étais tout seul face à mon écran. Ce qui veut dire que, quelque part dans le monde, ces dernières années, 5-6 spécialistes de l'élamite linéaire pouvaient se retrouver et discuter pendant des heures de l'élamite. Voilà, le confinement, le Covid. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais, par exemple, Cambis Tabibzadeh qui est aux États-Unis, je ne l'ai jamais vu. Hein. C'était toujours des échanges par mail ou par Zoom. Et l'idée, c'est maintenant, j'espère, avec la publication scientifique qui a eu lieu, eh bien, j'espère qu'il n'y aura plus un peu plus que 5 ou 6 spécialistes. Hein. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès très rapidement à cette écriture-là. À partir du moment où vous avez réussi à identifier quelques sons, donc la signification de quelques symboles de cette écriture, à partir de quand tout devient compréhensible? Parce que c'est pas tout de savoir lire le nom d'un souverain, faut comprendre une cohérence. Bien sûr. Alors, donc à partir du moment, dans l'exemple de Shilrara, il est noté en 4 signes. Shi, El, Ra-Ra. Donc la lecture Shilrara m'a donné accès à trois signes. Après Shilrara, j'ai pu trouver le nom de Eparti. Eparti qui était noté E-P-A-R-T-I. Quatre signes. Napirisha également un certain nombre de signes. Et donc, une fois qu'un signe est lu, on va reporter sa valeur dans toutes les autres occurrences où il apparaît. Et donc, on commence à remplir progressivement les trous. Et puis, à partir du moment où on se rend compte qu'il s'agit de la même prière qui est utilisée dans le texte cuniforme et le texte amilinéaire, alors là, c'est le jackpot et on avance très rapidement. Donc, en fait, la lecture des premiers noms propres a été, par exemple, Shilrara est parti et Napirisha. Il y a eu, j'ai trouvé ces trois noms propres en 10 minutes en fait. Donc après, c'est allé très très très très vite. Et à l'heure actuelle, sur les 43 textes, si on comptabilise le nombre de signes qui apparaissent sur ces 43 textes, on a à peu près 2000 signes. Voilà, il y a un texte avec 200 signes, un texte avec 100 signes. Bon, en tout, ça fait 2000 signes à peu près. Et ben, sur ces 2000 signes, je peux en lire 1900. Donc je lis plus de 90%, allez 95% des signes, je les comprends. Alors il y en a certains que je ne lis pas encore. Soit ce sont des variantes graphiques de signes que je connais déjà, mais je n'ai pas encore pu clairement identifier. Et on a affaire aussi à ce qu'on appelle des apax legomena, c'est-à-dire des signes qui n'apparaissent qu'une seule fois. Et donc il faudrait un peu, voilà, je n'ai que 43 textes. Il m'en faudrait un petit peu plus pour compléter vraiment le déchiffrement. Mais donc là honnêtement, hein, 95% des signes sont lus, donc l'affaire est quand même est pliée. Vous le dites bien, hein, François Dosset, ils sont lus au sens où cette écriture phonétique vous permet d'avoir un accès à la langue. Oui, voilà. Donc ils sont lus, c'est-à-dire je peux les prononcer. Alors maintenant, l'autre point épineux ne concerne plus le déchiffrement de l'écriture élamilinéaire, mais la traduction de la langue élamite, parce que ces textes-là nous donnent accès à la langue, à des textes qui racontent des choses. Et là, on est toujours face au problème de l'élamite est un isolat linguistique. Et notamment, dans certains des textes, j'ai affaire à des nouveaux mots. Des mots élamites qui n'étaient pas attestés par ailleurs dans les inscriptions cuniformes. Et là, généralement, on essaie de traduire en se basant sur le contexte d'utilisation du mot. Voilà, par exemple, je sais, j'ai un mot, lavlire, qui est utilisé juste après le nom d'un toponyme. Upochan. Donc, ça peut vouloir dire Upochan, la lointaine, la magnifique, la fortunée. Bon, c'est sûrement un qualificatif du toponyme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Le mystère encore demeure sur certains... Le sens, la traduction de certains mots. Ouais. C'est ça qui est fascinant aussi, hein, c'est de voir la profondeur d'analyse que nécessite l'étude d'une langue ancienne pour arriver à un résultat qui est malgré tout bluffant. Et Napirisha Zemt Shilrakri, O Palaishan Lipar Napirisha Ki, Likawe Reshaki, Menikratam Tik, Lanishari. Napirisha Nu Kerewata, Nu Utenti, Shutme Shatme, Mocht Hitekpi, O Hapo Alekle, Kitin Zemin Nun Kerena Helle. O Napirisha, puissant Seigneur. Moi, Palaisan, le serviteur de Napirisha, le grand Likawe, celui qui a la couronne du Khatamti, j'ai fait faire ce vase en argent. Napirisha, par dévotion, je te l'ai donné. Car c'est toi qui me guides. Nuit et jour, puissent les sacrifices pour l'armée être réalisés par moi. Par ma dévotion, puis-je obtenir de toi une grâce perpétuelle. Texte en élamite linéaire lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Anna Holweck, qui réalise également cette émission, le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi et Nicolas Bonnet. Alors ce texte, François Dosset, évidemment c'est vous qui l'avez traduit, la prononciation par Anna, c'est ça en fait cette langue élamite que l'on touche. Voilà, et eh bien moi je suis vraiment très content qu'on ait lu ce texte-là en direct parce que ce texte-là a été composé il y a 4000 ans Et donc là, d'une certaine manière, on est en train de faire revivre la langue élamite. Et un petit mot hein, sur cette langue élamite, cet isolat linguistique. Elle a continué à être utilisée par la suite. Hein. C'est pas parce qu'ils ont basculé de l'écriture élamilinéaire vers le cunéiforme, ils ont continué à utiliser leur langue. On a des textes en, en langue élamite jusqu'à l'époque achéménide. Donc on est vers 500, 400, 300 avant Jésus-Christ. Le dernier texte en langue élamite, on est donc la dernière inscription achéménide, juste avant l'arrivée d'Alexandre sur le plateau iranien, donc dans les années 340-330 avant Jésus-Christ. Et après cela, nous n'avons plus de texte en langue élamite. Mais on sait que dans le sud-ouest de l'Iran, on a des géographes persans et arabes qui nous disent qu'ils ont rencontré des Khouzis qui ne parlaient ni la langue du diable, qui parlaient la langue du diable, qui n'étaient ni le persan, ni l'arabe, ni le syriaque, ni l'hébreu, et qui étaient très durs à apprendre et à comprendre. Et on pense qu'il s'agit, vers 900, 1000 après Jésus-Christ, des derniers locuteurs de la langue élamite, qui a a priori disparu. La dernière personne qui a parlé la langue élamite a dû mourir il y a 1000 ans. C'est-à-dire que l'écriture élamite linéaire disparaît vers 1900 avant Jésus-Christ. 1900 avant Jésus-Christ, la langue, elle, demeure. Et c'est magnifique hein, de voir comme ça ces continuités, parce que une langue ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Ce qui nous intéresse, c'est toujours cette idée de naissance de l'écriture, du pourquoi se mettre à écrire. Là, c'est très difficile à savoir. Vous nous le dites, hein, François de Sey, parce qu'il y a ces berceaux de l'écriture. La nécessité, c'est quoi? C'est beaucoup d'aspects religieux, de pouvoir, de comptabilité. On retrouve ces éléments-là? Alors, si on remonte dans le temps, si on revient à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, c'est assez simple hein, de savoir pourquoi ils ont commencé à écrire. En Mésopotamie et en Iran, donc avec l'écriture proto-cunéiforme et l'écriture proto-élamite, il s'agit de comptabilité. On compte les choses, on compte le blé, l'orge, les animaux, les esclaves et les surfaces agricoles. Il ne s'agit pas du tout de poésie, de faits politiques, militaires. Et de ce point de vue-là, l'écriture, l'apparition de l'écriture, c'est un outil de contrôle. Il y a un texte assez célèbre de Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Alors, je ne sais plus exactement l'expression qu'il utilise, mais il parle de l'écriture outil d'asservissement. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont perçu il y a 5000 ans, mais c'est les managers d'entrepôts qui, afin de mieux gérer les entrées et les sorties des biens qu'ils devaient gérer, qui ont dû créer, développer ce système-là. Donc, un outil de contrôle. Et après, évidemment, ça se développe de toutes les manières avec tous ces textes, ces dédicaces à des divinités, etc. Dans la recherche de l'origine, on peut aussi songer à des liens entre les écritures. Si telle écriture est héritière, descendante d'une autre, on va trouver des liens. Alors, entre l'élamite linéaire et le cunéiforme, parce qu'on peut écarter tout de suite les hiéroglyphes. Hein, c'est un peu trop loin. C'est trop loin. Entre le cunéiforme et l'élamite linéaire, il y a des petits liens. Aucun parallèle à faire. Ce sont deux écritures complètement différentes, complètement distinctes. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut lire du cunéiforme n'est pas capable de lire l'élamite, ce qui explique cette persistance de la capacité à lire l'élamite jusqu'à vos travaux, François de Sey. L'élamite linéaire. Linéaire, c'est important de le rappeler parce qu'il y a langue élamite et l'écriture élamite linéaire. Non, puis dans l'élamite, il y a l'élamite linéaire, le proto-élamite. Pour demander autrement, est-ce qu'il reste des écritures qui nécessitent encore d'être déchiffrées? Alors bien sûr, donc avant de parler de l'Iran, oui, il y a encore certaines. Donc je rassure les auditeurs, je n'ai pas tout déchiffré, j'en ai laissé pour mes successeurs. Il reste l'écriture de l'Indus dans la civilisation de l'Indus, qui est la dernière écriture du troisième millénaire à déchiffrer, puisque donc la troisième qui était déchiffrée, c'est l'élamite linéaire. Donc l'écriture de l'Indus. Il reste le linéaire A. En Crète, on est dans la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est parmi les principales écritures qui restent encore déchiffrées. Et le proto-élamite. Le proto-élamite qui est donc la version ancienne de l'élamite linéaire et sur laquelle je travaille en ce moment. Oui, parce que là, vous avez pas baissé les bras en disant ça y est, ça c'est fait. Il reste tout ce qu'il y avait avant, mais il y a un lien entre les deux. Vous l'avez dit, hein, que le proto-élamite, et c'est presque logique tel qu'on le dit comme ça, mais ça l'est pas dans les faits, serait l'ancêtre de l'élamite linéaire. Alors tout à fait, les premiers fouilleurs de Suse, en fait, ne faisaient même pas une distinction dans le nom utilisé pour désigner ces écritures-là. Ils les appelaient de la même manière. Et c'est uniquement à partir des années 70-80 que certains savants ont proposé que c'était deux écritures complètement différentes. Et enfin, en fait, je suis en train de revenir à une idée ancienne. Hein, c'est pas du tout mon idée. Je reviens à ce qui avait été proposé au départ. Et c'est les mêmes signes. Ouais, c'est ça. Hein. C'est les mêmes signes. Alors, c'est-à-dire, l'écriture est plus complexe vers 3000 avant Jésus-Christ. Et je pense qu'ils ont dû la rendre. Ils l'ont rendu plus logique, ils l'ont standardisé au cours du troisième millénaire jusqu'à arriver à un système parfait vers 2300, 2200 avant Jésus-Christ. Quand je dis parfait, c'est-à-dire on a un système, quand je parlais de cette alpha syllabaire et de l'élamite linéaire, on a un système d'une redoutable efficacité. 5 voyelles, 12 consonnes, 60 syllabes, on a donc un système d'écriture qui fonctionne avec 77 signes. À la même époque, qu'est-ce que l'on a? On a le cunéiforme en Mésopotamie, les hiéroglyphes en Égypte. C'est des systèmes d'écriture qui fonctionnent avec 300, 400, 500, 600 signes. Des systèmes d'écriture très complexes, compliqués de ce point de vue-là. Et en Iran, on a un système d'écriture à 77 signes. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a sûrement des... Alors, bon là, c'est un petit peu osé comme hypothèse. Donc, c'est une hypothèse, mais il y a peut-être des retombées en termes d'alphabétisation de la société. Ah, alors là, c'est très important ce que vous évoquez, parce que ce n'est pas tout de réfléchir à une langue, à quel moment elle a été mise par écrit et de quelle manière elle a pu être mise par écrit avec des écritures différentes. C'est aussi qu'est-ce que ça nous dit de la société qui produit cela. Voilà, ben là, on a... Moi, quand je faisais le déchiffrement de l'élamite linéaire, je me disais, où sont les logogrammes? Je dois trouver un logogramme. Je suis au troisième millénaire. Qu'est-ce qu'il y a au troisième millénaire? Il y a le cunéiforme et les hiéroglyphes qui sont des systèmes d'écriture mixtes où on a des signes phonétiques et des signes logogrammatiques. Donc, je dois trouver des logogrammes. Et à mon corps défendant, je suis parvenu à la fin du déchiffrement et je n'ai toujours pas trouvé le logogramme. Et donc, c'est le voilà les déchiffrements. Comme vous le savez, Xavier, ça n'arrive pas tous les 4 matins. La dernière fois qu'on avait eu un beau déchiffrement, alors quand je parle de beau déchiffrement, c'est-à-dire un déclic où à un moment on sait rien et à un moment on sait quasiment tout. On est toujours en phase de déchiffrement des glyphes mayas, par exemple, ou des hiéroglyphes anatoliens. Donc voilà, il y a eu des déchiffrements. Mais là, c'est un déchiffrement progressif, petit à petit, par accumulation, dans la deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle. Néanmoins, la dernière fois qu'il y a eu un beau déchiffrement, c'était 1952, Michael Ventris et le linéaire B mycénien, où là, il y a un avant et un après. Donc, comme vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu un déchiffrement comme ça, c'était il y a 70 ans. Donc, bon, voilà, ça c'est quand même chouette. Mais la conséquence très importante, c'est la remise en cause complète de l'évolution de l'écriture dans le monde. Parce que dès 2300 avant Jésus-Christ, on a une écriture purement phonétique. 5 voyelles, 12 consonnes, 60 syllabes. Alors que l'on pensait auparavant que les systèmes d'écriture purement phonétique n'apparaissent que vers 1500 avant Jésus-Christ. Donc là, on est 700 ans, 800 ans avant. Et ça change. Ça casse la baraque, ça change complètement la vision qu'on peut avoir de l'évolution de l'écriture dans le monde. C'est pour ça que à chaque fois qu'est annoncé, et c'est extrêmement rare, le déchiffrement d'une écriture, bah ça fait tout de suite parler. Ce fut le cas avec Champollion dans les années 1820, et ben c'est également le cas bien plus tard avec le linéaire B qui nous conduit en Crète ancienne. Aux éditions Gallimard vient de paraître un ouvrage dont le titre, assez mystérieux au premier abord, est « Le déchiffrement du linéaire B », avec ce sous-titre « Aux origines de la langue grecque ». C'est un ouvrage qui est dû à John Chadwick. Pierre Vidal-Naquet, vous avez préfacé l'ouvrage. Pourquoi ? Eh bien, la première chose que j'ai faite, si vous voulez, c'est de lui donner un sous-titre, car effectivement... Ce titre était mystérieux, le déchiffrement du linéaire B. C'était, comme l'étrusque et quelques autres langues, une de ces écritures dont on ne connaissait pas la clé. Il est très rare que l'on puisse, à propos d'une découverte, en reconstituer l'histoire. Cette découverte a été une clé pour toute l'histoire de la plus lointaine période de la langue, si ce n'est de la civilisation grecque. Nous étions en 1972 quand s'exprimait Pierre Vidal-Naquet. François Desset, peut-on dire que là aussi c'est une clé pour comprendre cette civilisation, celle du royaume des lames, en tout cas ce qui se passait en Iran, parce que c'est vrai que ce qui se passait dans l'Irak actuel, c'est-à-dire la Mésopotamie, bien étudié, c'est bien connu. Là, c'est vraiment une ouverture pour étudier tout cet espace. Bien sûr, hein, là c'est une révolution pour l'histoire iranienne. Alors, je reste quand même modeste, hein, parce que contrairement aux textes hiéroglyphiques ou en Égypte ou les textes cunéiformes en Mésopotamie, là on ne parle que de 43 textes. Hein, bon, donc là, il faut rester modeste. On n'a pas beaucoup de textes, mais néanmoins, on a des aperçus historiques sur deux époques, notamment très intéressants. Donc, on a un corpus sur les 43 textes. On a un corpus d'inscriptions du roi Puzur Sushinak, qui a régné au 22e siècle à Suse. J'invite d'ailleurs les auditeurs à se rendre au Louvre, parce que sur les 43 textes, on en a 19 au Louvre. Donc on a quasiment la moitié des textes en élamite linéaire à Paris, et notamment les textes de Puzur Sushinak dans le département des Antiquités orientales. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Puzur Sushinak ? Eh bien, comme d'hab, les rois, ils nous disent que c'est les plus beaux, les plus forts, ils sont les fils de leur père, et si quelqu'un touche à l'inscription, ça va mal se passer à lui. Ben, voilà. Et puis après, on a le corpus d'inscriptions aussi très important sur ces vases en argent, qui est un petit peu plus récent, entre 2000 et 1900 avant Jésus-Christ, et de la dynastie dite des Soukalmar, avec ceux dont on a parlé, Parthi, Shilrara, Palaishan. Quel regard est porté depuis l'Iran sur cette découverte ? Parce que on voit bien, et dans une lecture complètement différente, mais presque nationaliste ou d'identité, de dire que voilà, ça y est, il y a une écriture qui est un des berceaux de la naissance de l'écriture, etc., etc. C'est important. Vous êtes là-dessus très observé, j'imagine. Bien sûr. Alors, je viens de traduire en persan un petit article de vulgarisation il y a 2-3 semaines. Donc, j'attends de voir que ça se diffuse. Oui, bien sûr. Si c'est un petit peu comme si pour les Égyptiens, on venait de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Donc, de ce point de vue-là, ça doit être très important pour l'histoire, l'identité et la culture iranienne. Alors, juste pour vous mettre, Xavier, pour vous mettre dans l'ambiance. En France, on a l'alphabet latin et l'alphabet grec qui a été utilisé précédemment. Donc, on n'a que deux systèmes d'écriture qui se sont succédés sur le territoire national français. En Iran, on va aller du plus récent au plus ancien. Alphabet arabe, bon, voilà. Avant ça, alphabet araméen. Avant cela, alphabet grec. Avant cela, écriture cunéiforme. Et avant cela, l'élamite linéaire. Surtout, donc, on peut comprendre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup plus d'écritures qui se sont succédées sur le plateau iranien. Mais de toutes les écritures que je viens de mentionner, eh bien, elles sont toutes étrangères. Elles ont toutes été importées depuis l'Ouest. Donc, le cunéiforme depuis la Mésopotamie, l'alphabet grec. Bon, c'est Alexandre, depuis la Grèce. Sauf la première écriture, l'élamite linéaire, qui, s'il y en a une qui peut vraiment mériter le qualificatif d'iranien, c'est bien celle-là. C'est la seule, sur toutes les écritures qui se sont succédées là-bas, c'est la seule écriture qui a été créée dans le territoire qui est appelé à l'heure actuelle Iran. On comprend tout de suite l'enjeu symbolique de cette découverte, François, toutes ces écritures qui se sont succédées en Iran ont été effacées par l'arrivée d'une écriture ensuite. C'est-à-dire que on voit se déliter tout doucement cette forme d'écriture. Alors, ça dépend du phénomène historique. Des fois, c'est une transition progressive. Des fois, c'est un petit peu plus brutal. Hein. Je pense à l'invasion arabo-musulmane du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, on n'a pas exactement les détails de la manière dont on est passé de l'alphabet araméen qui notait la langue moyen perse vers l'alphabet arabe qui va servir à noter la langue persane nouvelle, mais ça a dû se faire dans une transition assez forcée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, on voit bien, c'est toujours signe de l'histoire, en fait, cette histoire de l'écriture. Je le rappelle, vous êtes archéologue et il y a ces missions en Iran actuel. Il y a l'espoir, j'imagine, de retrouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque, en fait ? Il manque des textes plus fournis, c'est ça ? Alors, il faudrait juste trouver d'autres textes. Voilà, il faudrait juste trouver d'autres textes. Et plus on a de textes, plus on pourra... donc, ces quelques signes qui résistent encore, mieux on pourra les comprendre. Donc, il faut juste fouiller plus et trouver plus de textes. De ce point de vue-là, c'est assez simple. Parce que pour les Égyptiens, nous connaissons bien comment ils ont fait. Ils ont écrit partout, partout, sans arrêt, partout, du papyrus et sur les murs. Pour la Mésopotamie, ce sont des tablettes à foison et le site de Mari en a fourni tellement, des bibliothèques entières. Pourquoi on n'a pas trouvé dans le royaume d'Elam autant de documents ? Parce que il n'y avait pas les mêmes procédés d'écriture sur des matériaux, parce que vous avez parlé de vases. Alors, sur les 43 textes que l'on a à l'heure actuelle, il y en a certains sur pierre, donc ceux de notamment de Puzur Sushinak au Louvre, sur des vases en argent. Et puis on a des textes sur des tablettes en argile. Donc on a ces trois supports à tester. Et forcément, on est tributaire des matériaux qui ont pu résister au passage du temps dans le sol. Mais il est très très probable qu'ils devaient noter, écrire sur des supports non pérennes comme le cuir ou des matières végétales. Et là, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de parler de ça puisque ça a disparu. Dans votre recherche, François Dessay, donc l'élamite linéaire, j'avais envie de dire ça, c'est fait. Ouais. Donc il y a le proto-élamite et la question qui se pose immédiatement, c'est le corpus. Alors, eh bien là, le corpus est beaucoup plus grand et étendu que les quelques 43 textes en élamite linéaire, puisqu'on a à l'heure actuelle 1600 tablettes proto-élamites. La plupart, ces tablettes ont été trouvées sur 8 sites en Iran, et notamment le principal site de découverte de ces tablettes, c'est Suze. Voilà, on a 90-95% du corpus des tablettes proto-élamites qui vient de Suze, et de ce point de vue-là, elles sont toutes à Paris. Encore une fois, donc j'invite vraiment à aller visiter le département des Antiquités orientales, et c'est ma prochaine cible. Donc c'est l'idée, c'est de travailler des textes les plus récents, les élamites linéaires, et de remonter vers le plus ancien, des textes en proto-élamite. C'est exactement la manière dont ils ont procédé pour l'écriture cunéiforme. Des textes les plus récents, les inscriptions royales achéménides, et donc on est vers 500-400, et progressivement on est remonté vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, puis le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est la démarche à rebours. Voilà, cette démarche à rebours qui permet de comprendre ces écritures du passé. Et pour terminer, François Dessay, il y a l'effet d'annonce. Parce que c'est pas rien, on l'a bien dit. Alors on dit Champollion, on va dire le linéaire B dans les années 1950. Hein. Oui, le linéaire B, ouais. Et aujourd'hui, l'élamite linéaire, il y a un effet d'annonce. Il faut réussir à se distancier, j'imagine, de tout cela. Je vous avoue, je m'en dis non, c'est bien. Je le prends comme ça vient. Je suis très content de ça. Alors parce que la différence entre j'aurais pu ne jamais rien trouver. Hein, voilà, oui. Et ça s'est joué un peu finalement. Alors non, là où j'ai peut-être fait une petite erreur, c'est fin 2020. Vous m'aviez contacté d'ailleurs à ce moment-là. J'avais fait l'annonce du déchiffrement, et étant donné que la publication scientifique n'était pas sortie, je ne pouvais pas en dire plus. Et en fait, j'ai été très surpris du buzz que ça avait suscité à l'époque, parce que je parle de ces sujets-là depuis une dizaine d'années et personne ne m'écoutait vraiment. Et là, c'est là où je n'ai pas forcément bien géré la situation. Mais étant donné que maintenant la publication scientifique est là, je suis très content d'être invité sur France Culture un lundi matin pour en parler. Eh bien, merci vivement à vous d'être venu, parce que c'est une aventure intellectuelle, historique, et dès qu'il est question d'écriture, ça fait toujours des petits frissons quand ça nous plonge dans cette profondeur des temps. Merci vivement, François Dessay. Merci à vous. Et nous poursuivons avec celui qui nous aide à décrypter l'histoire, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi les historiens se sont lancés dans l'égo-histoire ? Au cours des dernières années, les autobiographies d'universitaires se sont multipliées. Raconter sa vie est un exercice auquel tous les citoyens aimeraient se livrer pour occuper les heures de loisirs que leur offre leur retraite, mais il est réservé au petit nombre de celles et ceux qui parviennent à convaincre un éditeur que leur petite histoire a des chances d'intéresser le grand public. En France, dans le monde des historiens universitaires, le genre autobiographique a commencé à devenir légitime grâce à l'ouvrage dirigé par Pierre Nora intitulé « Essai d'égo-histoire » paru en 1987. Il réunit des textes de plusieurs grands noms de l'historiographie française de l'époque, à savoir Maurice Agulon, Pierre Chaunu, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Georges Duby, Michel Perrault et René Raymond. Les historiens que Pierre Nora avait sollicités pour collaborer à cet ouvrage collectif ont fait part de leurs hésitations face à un exercice en rupture avec les règles académiques alors en vigueur. À la fin du XIXe siècle, en effet, les réformes de la Troisième République avaient imposé une spécialisation des fonctions. Les historiens universitaires étaient devenus des enseignants-chercheurs censés respecter le principe d'objectivité de la science. Ce qui s'est concrétisé sur le plan du langage par l'usage du « nous » au détriment du « je ». La nécessité d'adopter un recul par rapport à soi-même a imposé des normes contradictoires avec la démarche autobiographique. Les historiens français qui ont contribué aux essais d'égo-histoire étaient encore fortement imprégnés par ces normes. Pourtant, dès le début des années 70, l'historien américain Lewis Curtis avait déjà tenté de dépasser cette prudence académique en demandant à 16 collègues d'écrire leur autobiographie pour un ouvrage qu'il baptisa « The Historian's Workshop », l'atelier de l'historien. Le but n'était pas qu'ils racontent leur vie, mais qu'ils expliquent la façon dont ils concevaient et menaient à bien leur travail, comment ils réunissaient leur documentation, fouillaient dans les archives, vérifiaient les faits, écrivaient leurs manuscrits, etc., etc. Les essais d'égo-histoire publiés sous la direction de Pierre Nora adaptèrent cette démarche auto-réflexive au champ historiographique français. Le succès fut au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, tous les universitaires qui présentent leur habilitation à diriger des recherches doivent se livrer à un petit exercice d'égo-histoire. Mais puisque l'autobiographie est devenue un genre à la mode chez les universitaires, il n'est pas inutile de rappeler les risques que présente ce type d'entreprise. René Raymond les avait évoqués dans sa contribution. Il écrivait que « les historiens savent d'expérience la précarité du souvenir, la fragilité du témoignage. Ils connaissent par métier l'inconsciente propension de chacun à introduire dans la courbe de son existence une cohérence empruntée. Ils n'ont pas la présomption de se croire mieux défendus contre ces déformations. Ils ne sont pas assurés de déjouer les pièges de la mémoire qu'ils ont appris à déceler chez les autres. » Ce devoir de vigilance reste nécessaire si l'on veut éviter que les égo-histoires sombrent dans l'égocentrisme. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Copagi, Yann Tilly, Mayouen Guizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.